France Musique. France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. This is the proper. Voilà le décor approprié à la scène. Why, it's just an empty stage. Mais je ne vois qu'un plateau désert. À première vue, oui. Mais patientez. Un beau coucher de soleil. Des lumières vives dans un jardin. Nous ajoutons 500 000 kilowatts de poussière d'étoiles. Laurent Vallière, 42e rue. Come and meet those dancing feet. 42nd Street. Je déclare la 42e rue de France Musique ouverte. Elle fut la pin-up la plus populaire. En pleine Seconde Guerre mondiale, sa photo de dos en combinaison de bain blanche, les bras sur les hanches, perché sur de hauts talons, magnifiant ses jambes fines et charnues à $1 million, regardant par-dessus ses épaules vers l'objectif dans un léger déhanchement de façon souriante, eh bien, cette photo ornait les casernes, les avions militaires des GIs américains durant la Seconde Guerre mondiale. Mais Betty Grable n'était pas que des jambes. Elle fut aussi l'un des plus grands trésors de la 20th Century Fox, qui savait aussi bien chanter que danser et jouer. À son actif, une cinquantaine de comédies musicales. Betty Grable, star du cinéma qui chante et qui danse dans les années 40 et ce matin sur la grande affiche de la 42e rue, le brunch dominical de France Musique au goût de comédie musicale. Bonjour à tous. Weenie, meenie, miney, moe, who's the darling of the USO? Lori, Lori, must be you. Tell us a story, Lori, do. Okay, I'll tell you one that's true. A boy sent his baby a note, and this is exactly what he wrote. Quote, honey, don't worry your head about those pin-up girls you've read about, for you most certainly know you're my little pin-up girl. Honestly, you are. To me, you have the grace of an angel, a face of a movie star. You're my little pin-up girl. Though we are apart, when I'm in Sleepy Willow, your pindle, my pillow, and also in my heart, I have to have that smile before me. No matter where I roam, that twinkle in your eyes can warm me like a fireside at home. Do I love my pin-up girl? Bet your life I do. So baby, keep a grinning. Remember, I'm pinning my hopes on you. I have to have that smile before me. No matter where I roam, the twinkle in your eyes can warm. Love your pin-up girl. Bet your life we do, do, do, do, do. Well, baby, keep a-grinning. Remember, I'm pinning all my hopes on you. Thank you. he's a mystery cat. He's called the Hidden Paw. For he's a master criminal who can defy the law. He's the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. And when you reach the scene of crime, McCavity's not there. Like McCavity, he's broken every human law. He breaks the law of gravity. His powers of levitation would make a fakie stare. And when you reach the scene of crime, McCavity's not there. You may seek him in a basement, you may look up in the air. But I tell you once and once again, McCavity's not there! McCavity's a ginger cat. He's very tall and thin. You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. His brow is deeply lined in thought. His head is highly domed. His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. He sways his head from side to side with movements like a snake. And when you think he's half asleep, he's always wide awake. McCavity, McCavity, there's no one like McCavity. For he's a fiend in feline shape, a monster of depravity. You may meet him in the by street, you may see him in the square. But when a crime's discovered, then McCavity's not there. He's outwardly respectable. I know he cheats at cards. And his footprints are not found in any files of Scotland Yards. And when the larder's looted, or the jewel case is rifled, or when the milk is missing, or another peak's been stifled, or the greenhouse glass is broken, and the trellis past repair, there's the wonder of the thing. McCavity's not there. McCavity, McCavity. Wasn't there. And they say that all the Catsall's wicked deeds are widely known. I might mention Mungo Jerry, Rumble Teaser, Griddlebone. Are nothing more than agents for the cat who all the time just controls the operations, the Napoleon of crime. Cavity's not there. Thank you. McCavity, un extrait de Cats qui est toujours à l'affiche à Paris. La comédie musicale de Andrew Lloyd Webber, c'est à l'affiche au théâtre Mogador. Et d'ailleurs, le spectacle vient d'annoncer ses prolongations jusqu'au 3 juillet. C'est un extrait de Cats à sa création à Londres, avec Sharon Lee Hill, Geraldine Gardner, Roland Alexander, John Thornton et puis Jeff Shankly. Et pour débuter, on a commencé par entendre Betty Grable dans ses œuvres. C'était dans le film Pin-Up Girl. En 1944, une chanson intitulée « You're my pin-up girl ». On découvre dans un instant la carrière de cette pin-up qui, vous l'avez compris, savait chanter et danser. Juste le temps de vous donner rendez-vous samedi prochain. Branchez-vous sur France Musique puisque nous serons au Théâtre du Châtelet pour la diffusion en intégralité de « Singing in the Rain », la comédie musicale qui a fait le plein durant les fêtes et qui sera très bientôt exportée à Broadway. C'est à partir de 19h dans Samedi à l'Opéra sur France Musique. Il y a quelques semaines, nous avions déjà eu le plaisir de recevoir la troupe de Singing in the Rain pour un cabaret 42e rue piano-voix et notamment l'acteur principal qui incarnait le rôle créé par Gene Kelly, Dan Burton. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dance in the rain, ya-da-da, da-da-da-da. I'm happy again. Forgotten man. Is that what they're saying? Well, did you ever? What a swell party this is. And have you heard the story of a boy, a girl, unrequited love? Sounds like pure soap opera. I may cry. Tune in tomorrow. What a swell party this is. What frails, what frocks. What frocks. What furs, what rocks. They're beautiful. Oh, I've never seen such gaiety. Neither have I. It's all just too risque, really. this French champagne. Messed it. So good for the brain. That's what I was gonna say. You know, you're a brilliant fellow. Why, thank you. Pick up, Jack. But please don't eat that glass, my friend. Have you heard about dear Blanche? Got run down by an avalanche. No. Oh, don't worry. She's a game girl, you know. Got up and finished fourth. The kid's got guts. Having a nice time? Grab a line. Have you heard the Mimsy star? What now? She got pinched in the Astor bar. Not again, eh? She was stoned. Well, did you ever? Never. What a swell party this is. Hey, check out that. That's a lovely dress. Do you think I could talk her out of it? It's great. It's great. So grand. So grand. It's wonderland. La la da da da da da da da da da da da. So rare, so rare, like old Camembert, like ba-ba-rum, ba-ba-ba-ba-bum. Don't dig that kind of crooning, chum. Have you heard it's in the stars? Next July we collide with Mars. Well, did you ever? What a swell party, a swell party, a swelling and elegant party this year. I drink to your health. Let's drink to your wealth. You're my bonhomie. Hey, that's French. A liberty fraternity. Have you heard it's in the stars? Next July we collide with Mars. Well, did you ever? What a swell party. Swell party. Swelling and elegant party. Robbie Williams aime le grand American Songbook. En 2001, il enregistra un premier album avec notamment cette chanson de Cole Porter, Well Did You Ever, popularisée par Frank Sinatra et Bing Crosby dans le film High Society. Si je vous passe cette chanson Well Did You Ever, c'est que Cole Porter l'avait écrite bien auparavant et que c'est justement notre pin-up du jour, Betty Grable, qui l'avait créée sur scène. C'était en 1939, dans une de ses premières apparitions à Broadway, une comédie musicale intitulée Du Barry Was a Lady. Elle jouait aux côtés de stars, S.L. Merman, Bert Lahr, et Betty Grable avait complètement épaté la salle avec cette chanson qui était au départ un duo, donc entre un homme et une femme. À l'époque, Betty Grable avait 23 ans et déjà une longue carrière au cinéma derrière elle, 31 films, une carrière en dents de scie avec des contrats pour des studios prestigieux, la RKO ou la Paramount. Et puis tout va changer avec ce spectacle à Broadway. Daryl Zanuck, le patron de la 20th Century Fox, s'entiche des guiboles de la jeune fille et lui offre un contrat et un premier grand rôle dans un film qui en fera une vedette. Sous le ciel d'Argentine, Down Argentine Way, la longiligne blonde Betty Grable incarne une riche propriétaire de chevaux qui tombe amoureuse d'un jeune Argentin. Le coup de foudre se déroule autour d'un piano avec tout ce qu'il faut. Numéro de claquette, romance et chanson introduite par le Don Juan en espagnol. Será un querer si llega usted a ir a ver Argentina. Su corazón gozará, entonces le gustará Argentina. Deleitará su vivir al contestar con sí sí dulcemente. Un amorcito tendrá que con cariño dirá lo que siente. Cuando oiga yo te amo, no diga usted que no, porque de cualquier modo un beso le dará y usted lo aceptará y no podrá esconder que llegará a querer Argentina. Donde los tangos oirá y al compás bailará, con gran placer se lo digo otra vez, se quedará, si la Argentina va. Moonlight, I see millions of twinkling stars. Evening, when a breeze becomes a sigh. Guitars underneath the pampas moon, where you hum a happy tune and you kiss your cares goodbye. You'll find your life will begin the very moment you're in Argentina. If you're romantic, senor, then you will surely adore Argentina. You'll be as gay as can be if you will learn to CC like Aladdin. For Mr. Soon as you learn, then you will never return to Manhattan. When you hear your te amo, you'll steal a kiss and then, if she should say mañana, it's just to let you know you're gonna meet again. I'll bet an old castanet that you will never forget Argentina. With our rumbas and tangos to tickle your spine, moonlight and music and orchids and wine, you'll want to stay down Argentina way. To stay down Argentina way. Down Argentina Way, une chanson signée Harry Warren et Mac Gordon, avec aussi les danses des Nicholas Brothers. Un film de 1940, avec ce film en technicolor, Betty Grable devient une star. Alors elle n'a que 23 ans, mais il était temps parce que sa carrière avait débuté 10 ans plus tôt. Betty Grable est née dans le Missouri durant la Première Guerre mondiale. Et sa mère a toujours voulu en faire une vedette. Dès l'âge de 4 ans, elle l'inscrit à des cours de chant, de danse, de comédie. Elle apprend à jouer du saxophone, elle joue dans des vaudevilles et elle n'a que 13 ans lorsque sa mère décide d'aller vivre en Californie et de lui faire passer des castings à Hollywood. On est en 1929, le cinéma se met à chanter, à danser, de fil en aiguille. L'adolescente obtient une première apparition dans un film en montant sur son âge. Elle signe un premier contrat avec la Samuel Goldwyn Company. Dans Whoopi par exemple, Betty Grable, 14 ans, ouvre le film en tenue de cow-boy et chante les premières phrases. Et puis, ça sera la RKO, le studio des films de Fred Astaire et de Ginger Rogers. Dans La Joyeuse Divorcée, le film de Mark Sandrich, elle a son moment de gloire. Un duo intitulé Let's Knock Knees, avec des claquettes bien sûr. Elle n'est pas encore une pin-up, elle a 18 ans et elle est parfaite. You're my type of a shy type of a beau, dear. Big pot. So let's do things. Really? I'll teach you a few things. You talking to me? Now who said just what you said? For I know, dear. Oh, no, I've been reading. I'm not bashful. I'm bashful and pashful. I'm beginning to sense that. Yeah. When you're near, I feel so. Let's play housey. Oh, you make me feel so Mickey Mousey. Well-known lawyer at a place like this. You're sweet and so agreeable, and I feel so gosh-o-teeable. Do warm me or I'll freeze and let's knock knees. You are so vil and cooable, and I'm so I love you-able. Come cuddle closer, please, and let's knock knees. It's a sort of a game? They say make hay while the sun shines. Agricultural. So let's, oh, let's make hay, hay, hay while the moon shines. My heart's so tick-tock-tickable. Your lips are so lipstickable. You know your ABC, so let's knock-knee. Okay. Never mind. It's so incomprehensible. It doesn't seem quite sensible. And yet I like it. Please, let's knock-knee. It's almost hoi-polloiable, and yet it's quite enjoyable. Ooh, I'm full of rhapsody. Too many people here. Dripping, skipping, lightly bounding. Stop it, knock it. Really? This is most astounding. It makes one feel so thrillable. Well, we've exhausted every syllable. I crave frivolity. I've got one. Let's not hold it. Thank you. Oh. Thank you, thank you. Well, I've been looking all over for you. Just dancing. Oh, is that what it was? Let's Knock Knees, une chanson de Harry Revel et Mac Gordon dans La Joyeuse Divorcée, le film de Fred Astaire et Ginger Rogers en 1934, avec donc Betty Grable qui fait une première apparition choc. Alors les premières années de sa carrière sous la férule de sa mère, Betty Grable passe en fait de studio en studio. C'est à la RKO qu'on décide de l'atteindre en blond. Direction ensuite la Paramount où on va lui confier des rôles qui sont souvent le même. Celui de collégienne, typiquement américaine, une collégienne un peu blonde et idiote, vive et saine. Bref, c'est un début de carrière en dents de scie, tellement que Betty Grable décide de s'échapper au bout d'un moment d'Hollywood pour aller jouer sur scène à Broadway dans Du Barry Was a Lady, cette comédie musicale de Cole Porter. Et c'est là que ça sera donc le déclic. La jeune femme apparaît à la une du magazine Life et c'est là que le patron de la Fox, Daryl Zanuck, lui offre un contrat. Après Charlotte Temple, après Alice Faye, Betty Grable devient la nouvelle mine d'or du studio. Elle y tournera une vingtaine de films où elle saura faire tourner la tête aux hommes. I'm Joe. I'm Jack. I'm Bo. I'm Matt. I'm Lou. How'd you do? You really needn't tell me who is who. You can bet your boots that I remember you. I remember you. Wasn't you the fella with the open umbrella that I met one rainy day upon the avenue? I remember you. Oh, you do? Yes, indeed I do. How do you do? Gee, I'm awful glad I met you, bet your life I won't forget you, I'll remember you. My beau has been selected. I'll remember you. Please do. You're Joe, you're Jack, you're Mo, you're Mac. I'm Lou. I knew. But as for walking down the avenue, it's Toodaloo and 23 Skidoo. For when I walk, I always walk with Billy, 'cause Billy knows just how to walk. And when I talk, I always talk with Billy, 'cause Billy knows just how to talk. And when I dine, I always dine with Billy. He takes me where I get my fill. And when I sleep, and when I sleep, I always dream of Bill. Joe? No. Jack? Go back. Mo? Too slow. Max? Relax. Lou? For Billy knows the best destination. And when I talk, talk, talk, I like to have a little chat with Billy. For Billy knows how to hold a girl and hold a conversation. When we dance, dance, dance, we go completely willy-nilly. For Billy has a style that's all his own. And when I... And when I... Thank you. Jane. C'est rare les actrices qui jouent dans les remakes de leurs propres films. C'était pourtant le cas avec ce film Rue de la Gaîté en 1950, produit par la Fox. Remake 7 ans plus tard de Coney Island et notamment cette chanson Joe, Jack, Mo and Mac. Judy Garland, Gene Kelly furent les icônes du studio de la Metro-Goldwyn-Mayer. Fred Astaire, c'était un peu l'icône de la RKO. Eh bien, Betty Grable fut l'icône de la 20th Century Fox. Chaque studio avait son type de film, sa personnalité. Dans son livre « Comédie musicale », Alain Masson dépeint ainsi les comédies musicales de la 20th Century Fox. Il y avait des filles, des feux d'artifice aux couleurs brillantes, des chorégraphies limites vulgaires, en tout cas sexy, et des intrigues transparente. Betty Grable en est l'illustration parfaite. Alain Masson poursuit, cette image de la féminité absolument consommable illustre l'esthétique de la Fox. Le corps du musical explore en elle les frontières de l'insignifiance, non sans bonheur. Dans les films de la Fox, on pourra se rincer l'œil à foison sur les mollets de Betty Grable, on pourra profiter de ses numéros de claquettes. En fait, elle prend la succession d'une autre icône du studio, Alice Faye. D'ailleurs, dans son deuxième film à la Fox, Betty Grable et Alice Faye chantent et dansent ensemble. Of Araby, his faithful wives are we, but life is such a bore, he has a thousand more, the stars that shine above may light his way to of Araby. But from now on, you both shall be the only two for me. I'm the sheik of Araby. A very talented fella. Your love, he plays piano in any key. And you should hear him whistle Dardanella. At night, when you're it's tremendo. Asleep. And what a tune he can blow on a jug. Into it's obligato, your tent, sweetheart. Oh, when I even does the bunny hug. The stars, he knows the latest ragtime song. Above. And he can place your hair and daddy. With light. So that is why my heart belongs. Belongs to Baghdad, Daddy. You rule this land with me. The Leo Don, the Leo D. The sheik of Araby. Betty Grable disait qu'elle n'avait pas la plus belle voix, qu'elle n'était pas la meilleure des actrices, qu'elle n'était pas la plus douée des danseuses, mais franchement, elle était bien modeste. Écoutez-la dans ce standard de George Gershwin, extrait de « Tout le plaisir est pour moi », « Three for the Show » en 1955 avec Jack Lemmon. I've got a crush on you, sweetie pie, all the day and night time, hear me sigh. I never had the least notion that I could fall with such emotion. Could you coo? Could you care for a cunning cottage baby? We could share the world. Will pardon my 'cause I have got a crush, baby, on you. Crush on you, sweetie pie, all the day and night time, hear me sigh. I never had the least notion that I could fall with so much emotion. Could you coo, could you care for a cottage baby? We could share the world, will pardon my mush. 'Cause I have got a crush, baby. Baby, crush on you. Sweetie pie, night and daytime, hear me sigh. I never had the least notion that I could fall with such emotion. Could you care for a tiny cottage, baby, we could share? The world will pardon my mush, 'cause I have got a crush, baby, baby, and I have got a crush, baby, baby, baby. Oh. Alors comment Betty Grable est passée d'actrice, chanteuse, danseuse à pin-up, épinglée à 5 millions d'exemplaires par les G.I.s américains? Eh bien c'est la faute à Frank Powolney. Son nom vous est peut-être inconnu, mais il était photographe de plateau à la 20th Century Fox. Et au début 1943, à la fin d'une session de photos, il crée cette image qui va marquer l'Amérique. Il photographie Betty Grable dans une combinaison de bain blanche, de dos, qui regarde de façon impertinente par-dessus ses épaules vers l'objectif de la caméra. Cette image va faire de Betty Grable la pin-up la plus célèbre de la Seconde Guerre mondiale, plus que Rita Hayworth, plus que Jane Russell. Cette femme que vont épingler les GI, qui ont le mal du pays, va devenir le symbole de la femme qu'il rêve de retrouver en rentrant bientôt aux États-Unis. Le succès de cette image surprendra à la fois les studios de la Fox et Betty Grable. En 1943, elle devient la première vedette américaine au box-office et l'actrice qui reçoit le plus de demandes de photos dédicacées. I love you. Take it from there and make of it what you will. A lifetime of sunshine, or only a springtime thrill. I love you. Take it from there, and maybe you'll find you care. You lifted my heart up to. Baby, please don't take it from there. Don't take my heart from there. I love you. I love you. Take it from there, my dear, and make of it what, just what you will. It could be a lifetime of sunshine, or only a springtime thrill. But sweetheart, I love you. Love you. Take it from there, and maybe you'll find that you care. You lifted my heart up to heaven. Take It From There, un extrait du film Coney Island. Betty Grable devient donc durant la guerre le symbole des films qui font oublier la tragédie de la guerre. Elle enchaîne les films à la Fox dans Rosie l'Endiablée par exemple. En 1943, elle interprète une vedette du musical qui souhaite se marier à un duc anglais mais est harcelée par les journalistes. I simply cannot guess. We're very charming gentlemen. A gentleman more or less. Some very charming gentlemen. Gentlemen of the press. Gentlemen of the press. Goodness gracious, I'm a mess. Make 'em wait until I dress. I'm Casey from the Courier. O'Brien from the News. I choose to refuse to give out interviews. But my editor wants your story for the afternoon edition. Mine should get the interview or get a new position. We promise that your story will get a banner headline. Come on, ladies, spill the beans. We've got to meet a deadline. Be a sport. What do you say? Well, okay. I'll give you a story that's a positive sensation. Twill double your circulation. Oh. But it's not for publication. Oh. I'm Sweet Rosie O'Grady. Do you love the Duke of Trippingham with Sam McKee? I'm his steady lady. But won't you tell us who's the lucky fella gonna be? And when we get married, would you care to make a statement you are gonna marry Sam? He'll love Sweet Rosie O'Grady. Or is your husband gonna be the Duke of Trippingham? Après-guerre, Betty Grable va continuer à tourner pour Walter Lang, pour Otto Preminger, pour Preston Sturges. Mais c'est vrai que sa carrière va décliner. Le patron de la Fox souhaite élargir son champ d'action, lui offre des rôles plus sérieux, plus conséquents, qu'elle refuse consciencieusement de peur de ne pas être à la hauteur. La quarantaine et l'arrivée de Marilyn Monroe lui seront préjudiciables. On lui préfère, par exemple, Marilyn, pour le rôle principal dans Les Hommes préfèrent les blondes. Alors vous connaissez Betty Grable peut-être parce qu'elle incarnait la troisième femme aux côtés de Lauren Bacall et Marilyn Monroe dans le film Comment épouser un millionnaire. Betty Grable en tout cas quittera Hollywood en 1958 après avoir refusé une dernière proposition. C'était de jouer dans l'adaptation au cinéma de Guys and Dolls. Elle va se tourner vers la scène et par exemple en 1967 elle reprendra le rôle principal dans Hello Dolly. Il n'y a pas d'enregistrement en studio de cette version avec Betty Grable, mais il se trouve qu'elle a participé à une émission de télévision présentée par Carol Burnett. Voici sa version de Hello Dolly. Hello. So nice to be back home where I belong. You're looking swell, Manny, I can tell. Danny, you're still crowing, you're still blowing, you're still going strong. I feel the room sway for the band play one of my old favorite songs from way back when. So rich that Gaffer is finding an empty lap. Where you belong. You're looking De la 42e rue sur francemusique.fr, vous retrouverez la programmation musicale de cette émission. Et puis on vous a mis quelques vidéos avec Betty Grable et puis notamment cette fameuse photo appréciée des Américains qui en ont fait la pin-up la plus populaire durant la Seconde Guerre mondiale. Une riche actualité cette semaine dans le domaine de la comédie musicale. Alors en vrac, My Fair Lady sera présenté samedi et dimanche prochain à l'Opéra de Massy. C'est la production signée Paul-Émile Fourny de l'Opéra de Metz que vous avez peut-être vu durant les fêtes sur France 3 avec Fabienne Conrad dans le rôle de Elisa Dolittle et Jean-Louis Pichon dans le rôle de Henry Higgins et des dialogues en français. Vendredi à Paris, création parisienne d'une comédie musicale américaine contemporaine du compositeur John Boone Kino. Ça s'appelle It's Only Life, c'est proposé par l'American Musical Theatre Live et c'est mis en scène par Miranda Crispin, c'est au Conservatoire Municipal du 9e arrondissement. Et puis enfin cet après-midi à l'Opéra de Reims, en français, Un violon sur le toit, la comédie musicale de Jerry Bock et Sheldon Harnick, c'est une production belge sous la direction musicale de Patrick Leterme, avec Chris Demore dans le rôle principal. Alors pour illustrer ce violon sur le toit, je vous propose pas de l'écouter dans sa version française, comme cet après-midi à Reims, mais plutôt dans une version allemande. Figurez-vous que ça a été présenté en Autriche au festival de Morbihan en 2014, dirigé par le chef d'orchestre David Levy. Et par exemple, la chanson « Far from the home I love » était traduite par « Fort aus dem Elternhaus », interprété par Elisabeth Ebner. Ich lasse ihn nicht allein. Aber Hordl, mein Kind. Papa. Papa, versuch doch bitte zu verstehen, dass ich tu, was ich tu. Ich will zu ihm und deshalb muss ich gehen, fort aus dem Elternhaus. Hier war des Lebens allerschönste Zeit, immer Freud, niemals Leid. Alles um mich war voller Fröhlichkeit in meinem Elternhaus. Doch wie schnell diese Zeit verrann, dann gab ich mein Herz einem Mann. Das Geschick ließ ihn allein, darum muss ich bei ihm sein. Alles im Leben ist von Gott bestimmt, euer Weg, unser Weg. Auch dass er mir das Allerschönste euch und das Elternhaus. Fällt auch das Abschiednehmen noch so schwer, ich muss gehen, ich muss gehen. Auch wenn wir uns vielleicht nie wiedersehen, bleibt doch mein Herz zu Haus. Doch bei ihm bin ich zu Haus. Un violon sur le toit, c'est tout à l'heure à 15h à l'Opéra de Reims. Plus d'infos, la programmation musicale, le podcast, rendez-vous comme toujours sur francemusique.fr et notez notre prochain cabaret, 42e rue, jeudi 28 janvier en fin d'après-midi. Nous aurons la chance de recevoir la troupe de Kiss Me Kate, la nouvelle production du Châtelet, réservation ouverte sur maisondelaradio.fr. Martine Moni, Aurélie Moreau, Adelino Mello, Jean-François Souvilly, Perrine Minguy, Laurent Vallière, très bon dimanche à tous. Rideau.